Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à quelqu'un qui a l'habitude de dire « Moi, je suis maudit, je suis maudite, j'ai la malchance. » Mon frère, si tu as Jésus, la Bible dit que Dieu t'a béni en Jésus de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Oui, change de langage. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari si tu es marié, réveille ta femme. Nous allons prier, nous sommes à notre temps de prière. OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur le psaume 33. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 34, du verset 12 jusqu'au verset 23. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 34, 12 à 23. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il est délivré de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités. Première vérité, craignons l'Éternel et il nous délivrera et nous bénira. Vous voyez, ce psaume met l'accent sur l'importance de la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, de plus en plus, on ne craint plus Dieu. Dans nos églises, on ne parle plus de la crainte de Dieu. Dans nos ministères, on ne parle plus de la crainte de Dieu. On parle plus de prospérité, de l'élévation, du bonheur, du mariage, des visas. C'est vrai, c'est bien, on en a besoin. Mais montrons aussi que Dieu ne peut pas bénir. Quand nous ne vivons pas, nous ne marchons pas dans la crainte de son nom. Ce n'est pas normal que celui qui se dit chrétien, celui qui porte le nom de chrétien, continue à vivre de manière délibérée dans le mensonge, dans la colère, dans la haine, dans la cupidité, dans le mysticisme, dans l'idolâtrie. Dans l'impudicité, que quelqu'un qui se dit chrétien soit pédé. Non, où est la crainte de Dieu? David nous montre dans ce psaume que lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous jouirons de trois choses. Premièrement, nous jouirons de la protection divine. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe autour de tout le monde. Il ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe autour de tous les chrétiens parce que tu es baptisé, parce que tu t'en vas à l'église, à la messe, parce que tu portes une grosse Bible, parce que tu as un chapelet, parce que, je ne sais pas, tu chantes dans une chorale, tu appartiens à une église évangélique. Non, l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de toi à cause de ces choses. On dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il y a une catégorie bien précise pour jouir de la protection divine. Et il dit... pour les arracher du danger. Prenons l'exemple de ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, comme Daniel et ses trois compagnons. Nous savons l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé d'adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. parce qu'ils craignaient le Seigneur. Ils ont violé l'ordre du roi et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a délivrés du danger. Daniel lui-même, il fut jeté dans la fosse au lion. Il ne fut pas jeté parce qu'il a commis l'adultère, parce qu'il a détourné les deniers publics. Non, c'est tout simplement parce qu'il priait l'Éternel, son Dieu, le vrai Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il craignait le Seigneur, parce qu'il a été emprisonné injustement. Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule de lion. Il en sera aussi de toi, mon frère. Si tu es combattu injustement, les gens font des machinations contre toi parce que tu crains le Seigneur, ça va échouer. Et si même tu es dans un danger, le Seigneur va envoyer son ange pour te délivrer parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. L'apôtre Jean dit dans sa première épître que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin, c'est-à-dire Satan, ne les touche pas. 1 Jean 5, 18. Quand il dit qu'il se garde lui-même, cela ne veut pas dire qu'il se protège, je ne sais pas, par le fétiche. Non, il se garde du péché. Tu es en dehors du péché. Et quand tu es en dehors du péché, le malin, c'est-à-dire Satan, les démons, ne vont pas te toucher. Toujours en parlant de la crainte de l'Éternel, deuxième bénéfice de la crainte de l'Éternel, c'est la bénédiction divine. Le verset 9 dit, « Rien ne manque à ceux qui les craignent. » Si tu crains Dieu, rien ne va te manquer. C'est-à-dire, Dieu va pourvoir à tes besoins. Nous demandons au Seigneur de nous bénir matériellement et financièrement. Nous prions pour qu'il nous donne un mari ou une femme. Nous prions pour qu'il nous donne des enfants. Nous prions pour que nos affaires soient fructueuses. Mais nous ne posons pas cette question. Craignons-nous Dieu pour qu'il nous accorde ce que nous lui demandons? S'il peut arriver que les lionceaux éprouvent la disette alors que leur père est le roi des animaux de la forêt, ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est ce que dit ce texte. Les lionceaux, c'est-à-dire les petits des lions, peuvent éprouver la disette. Mais toi qui crains Dieu, tu ne seras privé d'aucun bien. Je vais dire à une sœur, à cause de Jésus, tu as décidé de rompre avec ce monsieur parce que tu étais maîtresse. Parce que la Bible t'a montré que ta situation n'était pas bonne. C'est vrai, dans un premier temps, ce sera dur. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur pourvoira à tes besoins. Parce que la Bible nous dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. Saisis cette promesse et prie le Seigneur selon cette promesse. Troisième bénéfice, la crainte de l'Éternel. Il va t'accorder le bonheur et la longévité. David dit dans ce psaume que pour jouir du bonheur et prolonger ses jours, nous devons préserver notre langue du mal et des paroles trompeuses. Nous devons nous éloigner du mal et poursuivre les biens. Tout ceci peut se résumer en un seul point. Nous devons nous éloigner du péché. Vous voyez, le péché de la langue souvent nous suit, surtout dans nos milieux chrétiens. On aime beaucoup parler, on aime beaucoup critiquer, on aime beaucoup calomnier, on aime beaucoup insulter. Ce n'est pas normal que de lèvres d'un homme de Dieu, d'un sacrificateur de l'Éternel, d'un oint de l'Éternel, d'un enfant de Dieu sortent des insanités. Tu parles comme un mondain. Non, mon ami. Si tu veux voir le bonheur, tu veux voir la longévité, préserve ta langue du mal. Préserve-toi du péché. C'est-à-dire, crains le Seigneur. Donc, la crainte de Dieu est la source du bonheur. Deuxième grande vérité que nous tirons de ce psaume, l'Éternel écoute la prière du juste et le délivre du malheur. Le verset 16 à 23 met l'accent sur la prière du juste qui attire l'attention de Dieu. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Verset 18. Le juste c'est qui? Le juste c'est celui qui a rencontré Jésus et qui marche dans la sanctification. Quand tu pries, il n'y a pas de brouillard qui vont empêcher Dieu de t'écouter. Quand le juste crie, l'Éternel entend. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. L'Éternel entend, il est délivré du malheur. Et nous voyons ici ce verset qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Remarquez l'utilisation de ces deux mots, souvent et toujours. On dit, le malheur atteint souvent. Il peut arriver que le chrétien connaisse des problèmes. Il peut arriver que les chrétiens soient malades. Il peut arriver que les chrétiens soient l'objet de complots au niveau de son travail. Il peut arriver que le chrétien connaisse un problème dans un domaine quelconque, un problème financier. Mais l'Éternel va toujours te délivrer. Vous voyez, le malheur vient souvent, mais la délivrance de Dieu, c'est toujours, entre souvent et toujours. Je pense que c'est toujours qui pèse plus. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Si tu es juste, tu vas jouir, tu vas bénéficier de la délivrance divine. Il va te délivrer comme il a délivré Joseph. Nous connaissons ce que Joseph a connu. Joseph menait une vie juste, mais il a été victime de complots. La femme de Potiphar a inversé l'histoire, l'a calomnié en disant que c'est Joseph qui voulait la violer, alors qu'il n'en était pas ainsi. Joseph fut jeté en prison injustement, mais en prison, le Seigneur était avec lui. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es en train de vivre une sorte de prison, un moment sombre de ta vie, mais je vais te dire, celui qui t'a montré le terminus, il t'a montré la gloire, comme il a montré à Joseph, il va te délivrer et tes ennemis seront dans la confusion, parce que ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Par contre, la prière des méchants n'est pas exaucée, nous dit le verset 17, et il ne bénéficie pas de la délivrance divine pendant le malheur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, chantons ce cantique. Comme un vase, je viens dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase à la matière tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. la force que tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la force que tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la force que tu veux. Gloire au Seigneur, il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'honneur. Élevons ensemble nos voix et commençons à bénir ce Dieu-là pour cette parole merveilleuse. Amen. C'est votre serviteur au microphone, le révérend Dieudonné Ngoumbi, qui vous sait très nombreux à l'écoute de OSB. Le passage du jour, c'est le psaume 34, du verset 12 au verset 23. Merci de partager OSB, ce qui reçoit par les médias sociaux, par WhatsApp, à plusieurs amis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Prions Dieu afin qu'il nous aide à marcher dans la crainte de son nom. Parce que nous avons vu que si nous craignons l'Éternel, c'est là il va nous faire du bien. C'est là où Dieu va ordonner à son ange de nous délivrer. Prions pour que vraiment nous marchions de la crainte de son nom. Nous nous éloignons du péché. Prions le Seigneur. Très excellent Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous magnifions ton saint nom. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, nous te rendons grâce au Père éternel parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Ce matin, ce n'est que par ta grâce. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous prions pour ta grâce. Nous prions pour ta protection. Nous prions pour ta sécurité. Père, fais en sorte que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ô Père éternel, nous voulons marcher dans ta crainte. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons expérimenter tes bénédictions et ton élévation. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout obstacle à notre marche dans la crainte de l'éternel soit ôté. Nous déclarons que tout blocage, toute forme de découragement, toute forme de non-accomplissement, toute forme de convoitise, tout ce qui peut nous inciter à nous éloigner des voies de l'éternel est ôté dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Père, merci pour la sécurité que tu nous garantis chaque jour. Merci pour la manifestation de ton amour dans nos vies. Merci Père éternel, parce que nous sommes enfants de Dieu et à cet effet, nous bénéficions de tes grâces. Nous voulons toujours contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous voulons toujours être des modèles d'enfants de Dieu. Nous prions au Père et nous déclarons que tout obstacle à ce témoignage est ôté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu sa protection, particulièrement en ce dernier trimestre de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le mystique programme des choses bizarres. Mais nous allons prier pour que Dieu nous protège. De la même manière que les enfants d'Israël étaient protégés par le sang de l'agneau. Et que Dieu nous délivre du danger. Que Dieu délivre ses enfants qui marchent dans la crainte de son nom. Ses serviteurs qui marchent dans la crainte de son nom. Qui sont victimes des attaques, des complots. Que Dieu les délivre du danger selon sa promesse. Prions le Seigneur. Bénissons ton nom éternel, adorable Père. Nous exaltons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers. En Christ Jésus, nous nous approchons de toi pour te célébrer, pour t'élever, pour te glorifier. En Christ Jésus, tu nous as donné une nouvelle identité, une nouvelle position, une faveur, une grâce. Tu as inscrit chacun de nos noms. À cause de ce que nous avons accepté, Christ, tu as inscrit dans nos noms dans le livre de vie. Et par conséquent, tu déclares que nous sommes les justes. Et la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et ce matin, nous venons à toi en tant que juste. Nous crions à toi, Éternel, délivre-nous, délivre tes enfants que nous sommes de tout danger au nom de Jésus-Christ. Délivre tes enfants de tout complot de l'ennemi, de toute attaque en cette saison de fin d'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, quiconque est sous un complot, quiconque est sous une domination de l'ennemi, que cette domination soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, par ton sang, délivre tes enfants, guéris tes enfants, libère tes enfants, soulage tes enfants, accorde, ô Dieu, l'affranchissement de tout joug de l'ennemi sur tes enfants. Merci et merci pour ta bonne main qui nous conduit et qui nous protège, qui veille sur nous, qui nous arrache de tout danger. Alléluia. Sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons proclamer cette parole. Nous allons prier pour que Dieu pourvoie aux besoins de ceux qui le craignent. Parce qu'il vient de dire que ceux qui le craignent ne sont privés d'aucun bien. Si tu crains le Seigneur, tu t'es privé du péché, tu as renoncé au monde, tu vas présenter Oh Seigneur, tes besoins. Seigneur, voici, j'ai un problème de loyer. J'ai un problème de factures impayées. J'ai un problème de scolarité de mes enfants. J'ai un problème de bourse d'enfants. Je vais déclarer, j'ai saisi, j'ai dit à une femme, ça fait longtemps que tu pries pour que ta fille ait une bourse d'études. Au nom de Jésus, reçois cette bourse. Car Dieu a vu combien tu as jeûné, combien tu as soutenu son œuvre. Dieu te la donne au nom de Jésus et tu témoigneras. Nous allons présenter à Dieu nos besoins. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Tendre Père, ta parole déclare, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce matin, nous te bénissons. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Nous te louons parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te rendons grâce et nous élevons ton saint nom. Père, parce que nous marchons dans tes voies. Père, parce que nous avons la crainte de l'Éternel, nous demandons que ce qui nous est dû soit manifesté dans nos vies. Ta parole déclare que ceux qui te craignent ne sont privés d'aucun bien. Manifeste ta bonté dans nos vies. Je prie pour cette femme, je prie pour cet homme qui a les regards tournés vers toi parce qu'il a un besoin concernant la scolarité de ses enfants, un besoin concernant la prise en charge des membres de sa famille. Je prie dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins se manifeste dans sa vie. Je prie aussi, Père, contre tout esprit de pauvreté. Je prie et j'invoque ton nom, ô Père éternel, que tous ceux qui se tournent vers toi, que tous ceux qui crient à toi ne soient privés d'aucun bien. Manifeste ta bonté dans la vie de tes saints. Manifeste ta bonté dans la vie de tes fils et de tes filles, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie contre toute forme de manque. Je prie contre toute forme de disette. Je prie au Père éternel et je déclare que mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons